Je vais vous parler d'un liquage et d'une petite fille bien sage, d'un mal d'amour de jeunes années, du silence ivoire, de l'argent lavé. Savez-vous bien ce qu'elle a souffert? Et savez-vous ce qu'il faut faire quand il n'y a plus rien à faire pour la femme que tu aimes, celle de qui tu dis elle, elle que tu résumes en brûlant ta vie parce qu'elle est belle? Si ses yeux n'étaient plus qu'une étoile de souffrance, un regard qui te dit je t'aime dans le silence. Parler du mal ou du courage, c'est si facile, loin des grillages, loin de ces lieux où tout autour sèche les larmes des printemps sans amour. Elle m'a dit tiens bien mon visage, je m'en vais pour un long voyage. Et moi j'ai perdu mon amour et je lui donne 27 ans pour toujours. C'était la femme que j'aime, je pense souvent à elle. Elle vient toujours dans mes chansons quand les hommes se lèvent. Je resterai dans l'ombre de son intelligence, de cette voix me dit je t'aime dans le silence, dans le silence.